France Musique. Merci Elsa Boublil et à dimanche prochain. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous et bienvenue au studio 105 de Radio France et de France Musique. C'est une production sobre, élégante et en langue française d'un classique de Broadway que propose la compagnie belge Ars Lyrica, créée par Mohamed Yamani, qui est actuellement en tournée en France. Un violon sur le toit, c'est la comédie musicale de Jerry Bock et de Sheldon Harnick, et elle est de retour après l'opéra de Massy, en région parisienne, c'était la semaine dernière, après des représentations à l'opéra de Nice, de Reims ou de Strasbourg. La compagnie basée à Charleroi s'installe tout à l'heure à 15h dans le nord de la France, à Boulogne-sur-Mer, et mercredi dans la très belle salle du Colisée à Roubaix. Et ce matin, eh bien, elle fait un détour par la 42e rue, le rendez-vous des amateurs de comédie musicale, chaque dimanche matin sur France Musique. Nous avons le plaisir de recevoir non seulement les artistes, mais l'orchestre de 20 musiciens au complet ce matin au studio 105. Et ils sont déjà tous installés sous la houlette du directeur musical Patrick Leterme. Voici le tout début de Un violon sur le toit. Sombre, épique, comédie musicale et néanmoins drôle. Un premier numéro tel que l'avait imaginé son metteur en scène, Jérôme Robbins, le metteur en scène de West Side Story, pour la petite histoire quand même. Un violon sur le toit, on s'en rappelle, parle des pogroms subis par la communauté juive en Russie sous le tsar au début du siècle dernier. Mais le spectacle parle aussi en filigrane de l'émancipation de plus en plus grande des jeunes qui ne veulent plus qu'un marieur trouve leur moitié. Un violon sur le toit, disait Jérôme Robbins, c'est d'abord l'histoire d'une communauté attachée à ses traditions, des traditions qui tentent à disparaître. C'est le titre de ce premier morceau. Crise de mort incarne Thévier le laitier de cette petite bourgade dénommée Anatevka. Adaptation en français et direction musicale, Patrick Leterme. Un violon sur le toit. C'est complètement fou, non? Mais ici, dans notre petit village d'Anatevka, on pourrait dire que chacun de nous joue du violon sur son toit, essayant d'en tirer une mélodie agréable sans se rompre le cou. C'est pas facile. Vous vous demandez sans doute pourquoi nous restons là-haut si c'est si dangereux. On reste, mais parce qu'Anatevka, c'est notre terre. Et comment garde-t-on l'équilibre? Alors là, l'explication tient en un seul mot. Tradition. Tradition. Tradition. Tradition. Tradition. À nos traditions, nous gardons notre équilibre depuis très longtemps. Ici, à Anatevka, nous avons des traditions pour tout, pour manger, pour dormir, pour s'habiller. Par exemple, on garde toujours la tête couverte et on n'oublie jamais notre petit châle de prière comme ça. Dieu est toujours avec nous. Vous vous demandez sans doute d'où viennent ces traditions. Je vais vous répondre. J'en sais rien, mais c'est la tradition. Et grâce à elle, chacun de nous sait qui il est et ce que Dieu attend de lui. Qui jour et nuit, toujours a le devoir de nourrir sa famille, de faire ses prières, et qui a le droit, en maître du foyer, d'avoir le dernier mot à table. Le papa. Le papa, le papa. Tradition. Qui doit rendre la maison toujours cachère en la frottant avec les filles c'est la vie, tradition, c'est la vie. Les autres, ces soldats russes postés aux portes du village, ils forment un bien plus grand cercle. Nous ne les gênons pas, et jusqu'à présent, ils ne nous gênent pas non plus. Dans notre cercle à nous, mais nous nous entendons parfaitement bien. Ah, bien sûr, il y a eu la fois où celui-ci a vendu un cheval à celui-là et lui a livré une mule. Mais à présent, tout ça est oublié. Nous vivons maintenant, mais en parfaite harmonie, etc. C'était un cheval, c'était une mule, c'était une mule, une mule, cheval. Sans nos traditions, mais nos vies seraient aussi fragiles qu'un violon sur le toit. Le numéro d'ouverture d'un violon sur le toit par la troupe qui se nomme Ars Lyrica, et je dois ce matin vous citer chacun des membres du chœur qui sont présents ce matin sur la 42e rue à France Musique. Chris Demore, évidemment, qui incarne Thévier le laitier. Patty Hélène Kent, qui interprète Golde, France Renard, Sarah Manès, Jacques Catalayoud, Nicolas Dorian, Anouk Ganzevoort, Aurélie Castin, Marie-Catherine Baclin, Jean-Luc Baron, Joël Minet, Jean-Charles Gossery, Maëva Maton, Julien Husser, Julie Praiez et Patrice Berger, qui sont sur la scène tout à l'heure à Boulogne-sur-Mer pour cette nouvelle production d'Un violon sur le toit. Un violon sur le toit, c'est, on le sait, une comédie musicale très célèbre créée en 1964 par Jerry Bock pour la musique, Sheldon Harnick pour les paroles, Joseph Stein pour le livret, Jérôme Robbins pour la mise en scène et puis Harold Prince pour la production. Il s'agit en fait de l'adaptation d'une nouvelle de l'humoriste Joachim Alekhem qui s'intitulait Thévier le laitier, et c'est l'histoire donc d'un laitier qui vit en 1905 de façon traditionnelle dans un shtetl en Ukraine, une zone de résidence assignée aux Juifs par l'Empire des Tsars alors que les pogroms menacent. Et il n'est pas bien riche, ce laitier. Parfois, il se met à parler seul, à son Dieu. C'est tout le thème de la chanson certainement la plus célèbre de cette comédie musicale qui a été créée en français, on s'en rappelle, en 1968 par Ivan Rebroff. Ça s'intitule « Ah si j'étais riche ». Et dans cette nouvelle production de la compagnie Ars Lyrica, c'est Chris Demore qui interprète cette chanson. Comme dit la Bible, dis seulement une parole, Seigneur, et je serai guéri. Autrement dit, envoie-nous le remède, on est déjà malade. Non, non, je ne me plains pas. Mais, ah, si j'étais riche, tout le jour je bidibidim, ah, si j'étais cousu d'or, je travaillerais moins fort. Ah, si j'étais bidibit un homme, un homme riche, je éclat vaudrait le plus grand jour de Savard. Garni de vrais parquets et de toits en tuiles, y aurait un escalier géant pour aller en haut et un autre vers le bas, et un pour le plaisir de l'inutile. Je remplirai ma cour de dindes avec des canards, de pintades et des oies, pour qu'on les entende et pour qu'on les voie. Et tout leur point, point, point, point, point, comme les trompettes, à tous annoncerait qu'un homme riche vit. Tout le jour je bébé. Ah, si j'étais cousu d'or, je travaillerais moins fort. Ah, si j'étais bébé un homme, un homme riche. Je vois déjà ma femme gold en vraie femme de riche, avec un double menton, surveillant de près tout notre intérieur. Je la vois déjà qui parade et prend son air hautain, oh, et elle prend même son bâton pour hurler sur tous nos serviteurs. Les gens les plus puissants du coin viendraient chercher conseil. Thomas Salomon le sage, il me demanderait audience. Je vous prie, reptilier, excusez, reptilier, avec des questions laissant les grands rabbins sans voix. Oh boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy. Et le plus curieux, c'est que peu importe que j'ai tort ou bien raison, la vie d'un homme riche est toujours bon. Si j'étais riche enfin, j'aurais tout le temps d'aller au temple pour prier. J'aurais peut-être un siège près du mur de l'Est. Je parlerai des livres saints avec nos grands sages tout au long de la journée, et je méditerai de sieste en sieste. Tous les jours je m'aimais. Ah, si j'étais cousu d'or, ouais, je travaillerais moins fort. Dieu puissant, toi qui es éternel, tu pourrais faire un petit effort. Ça changerait quoi? Si j'étais un homme cousu d'or. Ouais. Ah. Ah. Il s'appelle Chris Demore, il est actuellement dans la troupe Ars Lyrica et il viendra nous raconter un petit peu son parcours. C'est lui qui incarne le personnage de Thévier, le laitier dans la comédie musicale Un violon sur le toit. Ah si j'étais riche, c'est une chanson qui avait été créée par Ivan Rebroff. C'était en 1968 lorsque cette comédie musicale avait été créée pour la première fois à Paris. Bonjour Patrick Leterme. Bonjour. Vous faites tout dans cette comédie musicale. Alors vous signez non, les adaptations. On est beaucoup. Vous signez l'adaptation en français. Vous êtes directeur musical. Oui, en fait, pour l'adaptation en français, c'est mon collègue Emmanuel Delerba qui a traduit tout ce qui est parlé. Et moi, je me suis chargé de ce qui est parole, où ça demande un travail vraiment dans la fusion avec la musique. Racontez-nous un petit peu, on ne vous connaît pas, une troupe belge sur la 42e rue de France Musique. On est très heureux de vous recevoir. Ars Lyrica a été créée en 2006. Mm-hmm. Qui êtes-vous ? Ben, moi, je ne suis pas le fondateur d'Ars Lyrica parce qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas la compagnie du tout. C'est Mohamed Yamani qui a créé cette compagnie en partant de la commune de Saint-Josse, qui est une commune du centre de Bruxelles, et qui a, par la passion du chant, parce qu'il a travaillé le chant aussi, par la passion du chant et du spectacle, il a commencé à monter des spectacles de ce type, qui étaient à la base des spectacles amateurs à prétention semi-professionnelle, qui petit à petit se sont vraiment professionnalisés, notamment grâce à la coproduction avec le Palais des Beaux-Arts de Charleroi, qui est un peu notre foyer, notre maison mère où on fait l'ensemble des répétitions et la création du spectacle. Et voilà, moi je suis arrivé dans l'aventure il y a 4-5 ans et on a la chance maintenant de pouvoir passer les frontières de notre petit pays. Alors, Ars Lyrica, au départ, ça avait été créé pour promouvoir de jeunes talents belges. Et parmi les premières productions, souvent des comédies musicales, en français, il y avait La Mélodie du Bonheur, Annie, Hairspray. Pourquoi on arrivait à Un violon sur le toit ? Je pense que de la part de l'ensemble de la compagnie, il y avait une envie de maturité. La comédie musicale est un genre qui souffre parfois de clichés qui peuvent être justifiés. Si on travaille de la comédie musicale et pas de l'opéra ou pas du théâtre contemporain, on doit éviter de tomber dans les poncifs commerciaux, kitsch, mièvre, etc. Et après avoir fait plusieurs productions qui étaient très familiales, incluant des enfants, on a eu envie d'essayer de tenter de recevoir plus de respectabilité artistique, entre guillemets, en ayant un ouvrage un peu plus mature. Et par exemple, le fait qu'Un violon sur le toit, ça se termine mal, c'est déjà pas anodin en comédie musicale, c'est pas du tout quelque chose de courant. Emmanuel Delerba, bonjour. Bonjour. C'est vous le metteur en scène de cette comédie musicale ? Oui, on a travaillé en fait tous ensemble, vraiment. On a vraiment travaillé avec le directeur musical Patrick et Johan Nuss qui a signé les chorégraphies, vraiment. Alors, je parlais au début de l'émission d'une production élégante, sobre. C'est vrai que la scénographie est très épurée. En fait, c'est fait presque de demi-cercle en bois, oui, que vous bougez au gré de l'histoire. Voilà, on parle vraiment de racines. Comment vous avez pensé cette mise en scène ? Mais, en fait, ce qu'on voulait par rapport au violon sur le toit, on n'avait pas envie de recréer un violon sur le toit comme ça s'est déjà monté à la création, comme ça a pu se monter ailleurs, avec une représentation de petites maisons typiques d'un petit village. On avait envie justement d'essayer de retourner à l'essence un peu de ce qu'est l'œuvre. Qu'est-ce que ça raconte ? Et on s'est posé la question de savoir si on avait besoin de toute cette représentation. Et en fin de compte, au fur et à mesure, on s'est posé pendant la création, on s'est posé la question, est-ce qu'on doit faire telle ou telle chose, tel ou tel choix ? Et en fait, au fur et à mesure qu'on avançait, on se rendait compte en fait que l'œuvre n'avait pas besoin de tout ça. On a un livret qui est fantastique, on a une partition musicale qui est d'une richesse incroyable, et donc du coup, on s'est juste attelé tous ensemble à raconter juste l'histoire. Oui, je pense que c'est élégant et sobre parce que Emmanuel est toujours comme ça dans la vie, en fait. Je suis toujours très élégant et sobre. Alors, on continue de découvrir votre production sobre d'Un violon sur le toit, Patrick Leterme et Emmanuel Delerba, avec trois artistes. Ah bah tiens, français. Bah oui, vous dites que vous traversez les frontières. Elles s'appellent Sarah Manès, Maëva Maton, France Renard. Alors, elles incarnent les filles de ce laitier qui vont se révéler très progressistes, les filles. Hein. Au début du spectacle, on ne peut pas le penser parce que, au début du spectacle, elles ne rêvent que d'une chose, c'est qu'une entremetteuse, l'entremetteuse de ce petit village d'Anatevka, leur trouve à chacune un beau parti. Mais au fur et à mesure, elles vont vouloir que l'amour gagne par-dessus tout. En tout cas, entremetteuse, ce trio en langue française, d'une chanson en anglais qui s'intitule Matchmaker, est tout de suite interprétée donc par Sarah Manès, Maëva Maton, France Renard, en live au studio 105 de France Musique sous la direction de Patrick Leterme. Je me demande si Yente t'a trouvé un mari. Je ne suis pas pressée qu'elle m'en trouve un. Oh, sauf si c'est Motel le tailleur. Ça ne te regarde pas. Saitel, tu es l'aînée. Il faut qu'elle te trouve un mari avant de pouvoir en trouver un pour moi. Oui, et après elle, un pour moi. Entremetteuse, oh, entremets-moi. Avec un prince, avec un roi. Entremetteuse, je m'en remets à toi. voilà déjà prête, prête à l'amour. Envoie-le-moi entre mes teuses, je veux qu'il me mette un anneau autour du doigt. Papa veut qu'il ait des lettres. Maman veut qu'il soit riche à millions. Et moi, oh, tu peux m'entremettre pour peu qu'il soit terriblement mignon. Entre mes teuses, oh, entre mes moires, avec le tsar, avec un roi. Entre mes draps, je n'étreins que du froid. Mais si je t'en prie, de beaux bras. Depuis quand es-tu intéressée par le mariage, Rava? Je croyais que tu ne pensais qu'aux livres. Oui, et toi, au fils du rabbin? Pourquoi pas? On n'a qu'un seul rabbin et il n'a qu'un seul fils. Pourquoi je ne pourrais pas avoir ce qu'il y a de mieux? Parce que tu viens d'une famille pauvre. Alors peu importe l'homme que Yente choisira, qu'il soit pauvre, riche, vieux, grincheux, tu devras l'épouser. Entremetteuse, oublie ma demande. Je suis trop jeune pour qu'on me vende. En engraissant aux côtés de mes sœurs, je gagne encore en valeur. Oh Yente, dis-nous à quoi rêvais-tu, toi, quand il t'a acheté? Oh Yente, que t'a-t-il pris pour que toi, tu nous prennes notre liberté? Entremetteuse, ne t'entremets pas, j'ai tout mon temps, laisse-le-moi. Fais mon bonheur en ne t'en mêlant pas. Reprends tes noceurs, tes faux coups de cœur, tes faux je t'aime, tes vrais buveurs, et entremets-toi, toi. Elle s'appelle Sarah Maneff, Maëva Maton, France Renard. Elle interprète les trois filles de Thévier, le laitier, dans cette nouvelle production d'Un violon sur le toit, produite par la compagnie Ars Lyrica, actuellement en tournée en France et dès cet après-midi à 15h à Boulogne-sur-Mer. Alors, Un violon sur le toit regorge de chansons qui sont de véritables pièces de théâtre, comme celles que nous venons d'entendre, lorsque les filles de Thévier espèrent à haute voix que l'entremetteuse leur trouvera un bon parti. Il faut dire que le parolier d'Un violon sur le toit, Sheldon Harnick, que nous avons eu la chance de rencontrer à New York cette saison, n'a pas son pareil pour écrire des chansons aux textes ciselés qui font mouche et qui font, comme on dit dans une bonne comédie musicale, avancer l'histoire. Et voici peut-être l'exemple le plus éloquent du spectacle. Le couple du laitier et de sa femme, mariés, on l'a compris, par arrangement de nombreuses années plus tôt, complètement déboussolés par leur fille qui cherche l'émancipation, qui veulent se marier désormais par amour, ce couple se retrouve seul. Non seulement ils découvrent, comme le dit l'un d'entre eux, que l'amour est à la mode, mais ils se posent la question essentielle. Est-ce que tu m'aimes? Patty Helen Kent et Golde, Crise de mort et Thévier. Le monde évolue, Golde. Il évolue. L'amour. Golde. Tu m'aimes? Si je crois. Je veux savoir si tu m'aimes. Si je t'aime. Ça, c'est les troupes qu'il y a au village. Ça, c'est tes filles et leur mariage. T'es à cran, t'es nerveux, rentre au chaud, dors un peu. Ou c'est quelque chose qui passe pas? Gold. Je t'ai posé une question. Je voudrais savoir si tu m'aimes. Tu es fou. C'est vrai. Est-ce que tu m'aimes? Si je t'aime. Ça fait 35 ans que je lave ton linge. Je gère la vache, je gère les filles. J'ai allaité, j'ai trait aussi. Après 35 ans, c'est comme ça que tu me dis merci. Et moi, mon souper, il sera jamais frais. J'ai pas fini de bouger, tu parles d'amour. Je t'ai rencontré le jour où on s'est marié, j'étais blême. Moi, gêné. Je tremblais. Moi de même. Et c'est là que mon père m'a dit qu'avec le temps, l'amour grandit. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Goldée, je voudrais savoir si tu m'aimes. Je suis ta femme. Je sais, mais je ne sais pas si tu m'aimes. Si je l'aime. Ça fait 35 ans qu'on vit ensemble, on râle ensemble, on peine ensemble. 35 années auprès de lui, à partager son lit. Donc tu m'aimes. Ça change rien, mais après 35 ans, ça fait du bien. Laurent Vallièvre, 42e rue, France Musique. Bonjour Patty Hélène Kent. Bonjour. Bonjour Chris Demort. Bonjour. Vous avez des parcours bien différents. D'abord, bravo. Merci beaucoup, merci. C'est un moment extrêmement émouvant dans le spectacle, je dois dire en ça. En effet, oui. Inattendu. Inattendu. Oui, oui, oui. Très parlant. Mais on s'aime vraiment. Professionnellement, hein, je veux dire. J'ai bien compris. Sa femme j'ai écoute. Bien compris, hein, donc, oui. Mais ça fait un moment qu'on s'aime professionnellement. Qu'on forme un couple sur la scène. Voilà, oui, qu'on est mariés en scène. Oui. Voilà. C'est pas facile tous les jours. Mais oh, ça va, toi, hein, ça suffit. Hein. Mais je me trompe, vous avez donc des parcours différents, mais vous venez quand même de l'opéra, tous les deux, je me trompe. Parcours différents, oh, nous venons de l'opéra, du lyrique. L'opérette, la comédie musicale, en ce qui me concerne, est venue un peu plus tard. Vous avez quand même interprété le commandeur dans Don Giovanni de Mozart. Oui, le grand rôle de Wagner. Mais j'étais Don Alvire dans le même. Exactement. Voilà. Oui, tout à fait. On était sur la même il y a absolument. Combien 20... Oui. Comment on reprend deux rôles aussi emblématiques de l'histoire de la comédie musicale? Vous l'avez vu, hein, Violon sur le toit, tous deux, sur scène, ou le film auparavant avant de... Oui, j'ai vu le film, j'ai lu le livret, je ne l'ai pas vu le spectacle. Et puis, depuis deux ans, nous travaillons avec nos metteurs en scène, parce que c'est une équipe à trois têtes, pour bien maîtriser la pièce, le côté humain de la pièce. Il n'y a pas que l'humour, il y a l'amour, il y a le côté humain. Il y a le chant, la danse, le jeu. C'est ce qui me plaît dans l'opéra et la comédie musicale. C'est un art total, tous les arts sont représentés. Patty Hélène Kent, c'est agréable à défendre ce rôle de mère juive totale. Oui. C'était un peu surprenant au départ parce que... Bon, peut-être que je ne me connais pas assez moi-même de l'extérieur, mais Emmanuel Deller voulait vraiment que ça soit une mère très acariâtre, comme ça, très... alors que je suis douce en réalité. Pourquoi tout le monde rit là? Bon... Donc voilà, je me suis un peu forcée à crier sur tout le monde, etc. Mais en fait, je suis une grande romantique. Donc, mais c'est bien parce que finalement, au cours de la pièce, dans le deuxième acte, ça devient quand même un peu plus sentimental. Donc elle se laisse quand même empreindre par toute l'émotion et toute cette évolution de cette mère qui au départ était dans la tradition où tout était tracé. Effectivement, elle avait déjà tout prévu pour ses filles. Toi, tu marieras un tel, toi, il y aura un boucher et un autre parce qu'effectivement, elle est intéressée par l'argent. Mais au cours de l'histoire, elle se laisse quand même finalement tenter par cet amour qui est cette nouvelle mode, n'est-ce pas, et elle se dit que finalement... Elle a quand même des sentiments aussi. Eh ben, merci, Patty Hélène Kent. On vous retrouve dans un instant. Merci, Chris Demort. On va découvrir un autre Belge, un artiste bien connu des Belges, à vrai dire. Il s'appelle Nicolas Dorian, parce qu'il est coach vocal d'une émission très célèbre, The Voice, en Belgique. Il a suivi la prestigieuse Royal Academy of Music à Londres. Et dans Un violon sur le toit, il incarne le tailleur Motel, tout heureux que finalement le père de celui qu'il aime accepte qu'il épouse sa fille. C'est un miracle, une chanson intitulée justement « Miracle des miracles ». C'est un miracle, la merveille des merveilles, comme autrefois avec Moïse. Dieu prend ma main et aux merveilles, me conduit en terre promise. C'est un miracle, la merveille des merveilles, j'ai cru devoir capituler. Mais les trompettes de Jéricho ont résonné et le mur s'est écroulé. Les 10 lois dictées par les cieux, ça c'est un vrai miracle. Quand Dieu fend les eaux de la mer Rouge en deux, c'est un miracle et un vrai. Mais tous les miracles connus d'antan se voient surpassés à l'instant, car celui qui n'était que poussière, Dieu en fait un homme fier. C'est un miracle, la merveille des merveilles, Dieu s'est penché sur un tailleur. Il relève aux merveilles des merveilles et l'extrait de son malheur. Goliath tué d'un jet de pierre, ça c'est un vrai miracle. Quand Dieu fait jaillir la manne en plein désert, c'est un miracle et un vrai. Mais tous les miracles connus d'antan se voient surpassés à l'instant par celui que je lis dans tes. Nous allons donc vivre à deux. Nicolas Dorian en live au studio 105 de France Musique et Miracle des Miracles, extrait de cette nouvelle production d'Un violon sur le toit actuellement en tournée en France. Dans Un violon sur le toit, on l'a entendu, on le sait, la musique respecte et raconte scrupuleusement la vie de la communauté juive au début du XXe siècle, avec une musique empreinte de sonorités klezmer et même de prières, de chansons de prière, parce que voici l'heure de la prière, l'heure du Shabbat. Alors, eh bien, voici Patty Hélène Kent, Golde, et cette fois dans le rôle du laitier, celui qui fait office de doublure de Chris Demort et qui est présent ce matin aussi sur scène parmi les chœurs, Patrice Berger. Voici la prière du Shabbat, le Candide Orchestra dirigé par Patrick Leterme. Thank you. accomplisse nos prières. La prière du Shabbat dans Un violon sur le toit. Patrick Leterme, je vous présente comment ? Présentateur à la RTBF, poète, auteur, musicien, compositeur, chef d'orchestre, je ne sais pas très bien comment faire là. Oui, je ne sais pas. J'aime bien faire de la musique et pas uniquement tout seul en jouant des sonates au piano, ce qui est ce que j'ai étudié à la base, mais je trouve que c'est ce qui est beau dans la comédie musicale, particulièrement quand on arrive, comme je disais tout à l'heure, à développer un goût, une ambition artistique qui soit pas trop cliché, trop mièvre, c'est qu'on rassemble beaucoup de métiers très très différents. Et c'est ça que je trouve beau dans ce type de production. C'est la première fois, je dois vous dire, que sur la 42e rue de France Musique, on reçoit un orchestre de 20 musiciens. Vous pouvez nous les présenter ? Qui sont-ils ? Oui, bientôt. Oui, bien sûr. Donc je vais faire plus ou moins de haut en bas, c'est-à-dire selon les sections d'un orchestre classique. En comédie musicale, en fait, on travaille avec l'ensemble des timbres qu'on a dans un orchestre symphonique, mais en réduisant particulièrement les cordes pour ne pas avoir un effectif de 65. Donc dans les bois, Laura Sandrin à la flûte au piccolo, Frank Elsen au bois au cor anglais, Mathieu Roskam et Géraldine Fastré à la clarinette et clarinette basse, Coralie Boss au basson, trois trompettes, Maxime Vanègue, Antoine Dawan, Philippe Delcroix, Pauline Michalakis au corps, Jean-François Cosentino au trombone et tuba, ça c'est donc pour les cuivres, Pierre Bibot à la guitare, Michel Lambert à l'accordéon, Simon Drachman à la percussion, et pour les cordes, Roxane Leridan, Hélène Drouguet, Elena Lavrenov au violon, Victor Gaeta à l'alto, Aubin de Nimal au violoncelle, et Adrien Tiberga à la contrebasse. Eh bien, bravo. Alors vous en avez oublié un quand même, hein. Il est en face de vous. Ouais, j'en ai oublié un, mais c'est parce qu'on fait hyper gaffe dans la production à ce qu'ils ne se prennent pas la grosse tête, parce qu'il est quand même dans le titre et sur l'affiche. Donc, on a un petit peu peur qu'avec son splendide profil à la fois français et un peu yiddish, il finisse par vouloir se démarquer, mais je vais le laisser présenter son intervention lui-même. Vous voulez dire le violoniste sur le toit, le voici. Bonjour Paul Séry. Bonjour. Vous êtes sur scène du début à la fin du spectacle. Hein. Il vous avait dit au départ que vous ne seriez pas dans la fosse cachée ? Oui, tout a commencé quand même par un coup de fil où Patrick me disait pour la prochaine production, on fait le violon sur le toit, tu veux pas venir sur le toit ? Donc au début, j'ai pas bien compris. Et en même temps, il m'a parlé d'une affiche à faire. Donc je me suis dit, bon, pour une affiche, donc j'ai compris, j'ai une gueule de juif, je vais faire l'affiche, je vais monter sur le toit. Et j'ai évidemment un vertige sans pareil. Donc on a même fait l'affiche qu'on était sur un toit de peut-être 2 mètres hein, seulement. Et il y avait Manu et Mohamed étaient là. J'étais déjà terrorisé. Puis à un moment j'ai compris que donc c'était pour en fait pouvoir être sur scène. Et donc effectivement je suis pas là tout le spectacle, mais presque, parce que donc je suis on peut le définir de différentes manières. Mais donc j'ai pas de nom. Je suis plutôt une présence ou l'âme juive. Mais donc, c'était intéressant de pouvoir se positionner scéniquement sans pour autant avoir de dialogue ou de réelle interaction avec la troupe. Merci, Paul Séry. Voici une fête de la partition d'un violon sur le toit, la comédie musicale. Ça se passe lors du mariage entre la première fille, Saitel, l'aînée, et Motel. Une fête, vous allez l'entendre, aux accents klezmer, qui débute par une longue mélopée du laitier. En anglais, sunrise, sunset. En français, un jour s'en vient, un jour s'en va. Et puis, suit la célébration purement orchestrale pour laquelle Jérôme Robbins avait recréé une danse des chapeaux. Vous savez, les hommes qui dansent avec une bouteille posée sur leur chapeau et qui se mettent à danser accroupis en allongeant la jambe sans faire évidemment tomber les bouteilles. On retrouve cette danse signée Jérôme Robbins dans la production d'Un violon sur le toit qu'on peut voir actuellement en tournée en France. Voici ces deux moments de la fête du mariage. L'orchestre Candide, Patrice Berger, Patty Hélène Kent, Sarah Manès, Julien Husser. Est-ce là mon enfant si sage? Est-ce là son voisin si doux? En les voyant, je vois mon âge. Tout d'un coup, quand est-elle devenue si belle? Quand est-il devenu si grand? Hier il était encore que des enfants. Un jour s'en vient, un jour s'en va, au loin s'en au loin s'en retourne. La danse du mariage d'un violon sur le toit, la comédie musicale de Jerry Bock et Sheldon Harnick, interprétée par l'orchestre Candide, dirigé par Patrick Leterme. Alors on continue à découvrir cette nouvelle production qui tourne en France, cette production belge de Ars Lyrica avec des Françaises. Il y a trois Françaises notamment qui interprètent les trois sœurs, Maëva Matton, France Renard et Sarah Manès. Et je vous propose de découvrir, je ne sais pas si c'est l'aînée ou si c'est la cadette. En tout cas, c'est Odelle qui est incarnée par Sarah Manès. C'est une jeune fille qui va quitter ses parents pour rejoindre Perchik, qu'elle aime, et qui était partie faire la révolution à Kiev. Sur le quai de gare, elle essaye de consoler son père avec cette chanson mélancolique. On connaît la version anglaise très bien. La voici en français, « Loin du pays que j'aime ». Je suis loin d'avoir les mots pour dire mes raisons de partir, de voir en Sibérie mon avenir, loin du foyer que j'aime. Non, jusqu'hier, je n'ai manqué de rien, ni d'amour. Sarah Manès, Loin du pays que j'aime, et l'orchestre Candide, dirigé par Patrick Leterme. On referme cette 42e rue en live avec la troupe et l'orchestre au complet de Un violon sur le toit, avec le dernier morceau de cette comédie musicale, Les semaines passent. Zeitel, la sœur aînée, a un bébé. Le laitier, Thévier, refuse que sa troisième fille tombe amoureuse d'un russe qui n'est pas juif. Et la famille, menacée de pogrom, doit partir. Tous les juifs quittent leur petite ville d'Anatevka. Certains iront s'installer en Pologne. Thévier partira avec sa femme et ses deux autres filles aux États-Unis. Le violoniste les suit alors qu'ils quittent le village en se rappelant de leur belle ville d'Anatevka. Ah, Anatevka n'était pas le paradis non plus. C'est vrai. Après tout, qu'est-ce qu'on laisse ici ? Qu'a-t-on donc à laisser quand on manquait de tout ? Une caisse. Un seau. Une clé. C'est tout. On aurait dû mettre le feu à cet endroit il y a longtemps. Trois pièces. Un banc. Qu'est-ce qu'on laisse ? Que du vent. Les gens qui traversent Anatevka ne s'en rendent même pas compte. Un bout de fer, une pierre, un clou. Que quittons-nous ? Pas grand-chose. Ce n'est qu'Anatevka. Peut-être pour ça qu'on garde tout le temps notre chapeau. Un grand merci à la troupe et à l'orchestre au complet d'Un violon sur le toit par la compagnie Ars Lyrica, emmenée notamment ce matin par Chris Demore, Patty Hélène Kent, France Renard, Sarah Manès, Nicolas Dorian, Maëva Maton, Patrice Berger, direction musicale Patrick Leterme. Vous pourrez aller les découvrir dès 15h tout à l'heure au Théâtre Monsigny à Boulogne-sur-Mer, mardi au Colisée à Roubaix, à Avignon ça sera en avril, à Lyon également en avril et à Charenton-le-Pont le 27 avril. Merci beaucoup messieurs, dames. Vous pourrez regarder de chez vous cette émission. Elle a été filmée par les équipes vidéo de Radio France. Direction francemusique.fr, la page de 42e rue. Vous retrouverez le podcast, la programmation musicale. Et vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Notre prochain cabaret 42e rue, notez-le, ça sera le 26 février. Une carte blanche à un grand metteur en scène dont le péché mignon et la comédie musicale. C'est Laurent Pelly. Réservation très prochainement sur maisondelaradio.fr. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée par Laurent Vallière, avec autour de moi ce matin à la technique Cédric Chaclu, Ludovic Auger, Pierre-Henri, Mathieu Leroux, Nadège Antonini, les équipes vidéo, une émission préparée par Martine Moni, réalisée par Perrine Mendy. À dimanche prochain, merci d'écouter France Musique, il est midi, et je vous laisse avec Stéphane Grant.